excès de vitesse, excès d'orgueil, excès de lucidité aussi pour celui ou celle qui prend sa plume et qui écrit, comme Françoise Sagan. En fait, écrire, c'est découvrir ce qu'on savait déjà, d'une manière. C'est ça le plus agréable. On dit, tiens, mais j'ai inventé ça, mais au fond, j'ai toujours su. C'est retrouver une vérité qu'on ne s'était pas formulée, c'est tout. Lundi, j'ai passé hier 13 heures sans ampoule. Après-midi tranquille, matinée poétique ce matin. Je m'allongeais sur une pelouse, respirais cette odeur d'herbe chaude, à regretter presque de n'être pas vraiment droguée. Ça me rappellerait mon enfance d'une manière presque déchirante. Hélas, mon enfance me semble d'après cette odeur encore très proche. Herbe desséchée au soleil, fourmis, les arbres vus d'en bas ne sont pas encore des souvenirs étiquetés. Le cœur me bat, comme on dit. J'essaye désespérément de ne pas tricher, mais il me suffit d'y penser pour que ça commence. La seule solution est d'attendre que ce soit vraiment douloureux, et non pas prodigieusement énervant comme maintenant. Je m'épie. Je suis une bête qui épie une autre bête au fond de moi. Bonjour Évalice Roustan. Bonjour Adèle. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Merci. Toxique, c'est le titre de la chanson de Britney Spears, reprise ici par Yaron Herman en 2009. C'est aussi et surtout le titre du livre de Françoise Sagan qui paraît en 1964. Elle est alors âgée de 22 ans et suite à un accident de voiture, elle a découvert le palfium, un opiacé qui la plonge dans une douce euphorie et engage une véritable addiction au produit. C'est un ouvrage autobiographique que l'on aura du mal à détacher de l'œuvre littéraire de Sagan, d'où la légende Sagan parle plus de la personne que de l'œuvre. Oui, ça c'est bien dommage ce que je trouve, parce que Sagan c'est un personnage très sympathique, tout le monde aime Sagan, la vitesse, la drogue, l'alcool, la fête, Saint-Tropez, la plage et tout ce mythe aussi de Saint-Tropez dans les années 50. Et du coup, ça occulte un peu l'œuvre, comme si une personne si sympathique qui aurait mené une vie si légère n'avait pas pu écrire des romans intéressants, profonds, sérieux. Bon, c'est une légende qu'elle-même, dont elle s'est agacée et dont elle s'est finalement amusée au bout d'un moment, puisqu'elle pouvait pas s'en débarrasser, et qu'elle a même adoptée. Puis, par exemple, elle disait qu'elle aimait beaucoup l'idée que ses romans étaient vendus dans les gares. Ça veut dire que les gens avaient le temps de le lire dans le train. À une époque, on n'avait pas encore de Netflix à regarder sur son ordinateur. Mais donc la légende Sagan, c'est effectivement le point qui nous fait entrer dans votre semaine sur l'excès. Vous êtes agrégé de lettres modernes, docteur de l'Université de Columbia et l'auteur d'un livre intitulé Françoise Sagan, La générosité du regard, au classique Garnier. C'est d'ailleurs l'un des rares ouvrages qui porte exclusivement sur l'œuvre littéraire de Françoise Sagan. Oui, c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu réhabiliter son œuvre pour montrer. C'est un petit peu la thèse sur la littérature du XXe siècle que je n'ai pas faite, puisque j'avais fait autre chose. Et donc, j'ai voulu montrer que c'était une œuvre vraiment intéressante, profonde, en plus d'être très agréable à lire et charmante. Alors, on va la découvrir ensemble, cette œuvre. En entier. Et au cours des 50 minutes qui nous attendent, on va aussi écouter la voix de Sagan, si vous acceptez quand même de parler un peu de la personne, sans ne parler que d'elle. D'ailleurs, ce qu'elle dit, j'ai pas tout compris à la fin, j'ai pas très bien compris, mais c'est quelque chose qu'elle répète souvent quand elle commente ses œuvres, que écrire, c'est redécouvrir ce qu'on connaissait déjà. Elle parle à un moment de son magnétophone intérieur qu'elle se met à enclencher. C'est une idée qui est très proustienne aussi, l'idée qu'on doit écrire ce qu'on a, l'œuvre qu'on a en soi. Après, tout le monde n'est pas capable de mettre en forme l'œuvre qu'on a en soi. Sagan a-t-elle théorisé son rapport à l'écriture? On connaît surtout ses écrits dans des entretiens qu'elle a donnés où elle revient sur elle-même. Mais est-ce qu'il y a une théorie de la littérature par Sagan? Non, il n'y a pas une théorie de la littérature, mais elle a écrit, par exemple, un petit ouvrage qui s'appelle Derrière l'épaule, et dans lequel elle revient sur... Dernier, en 98. Est-ce que c'est son dernier? Je m'en souviens pas. Je crois, on lit l'épitaphe, en tout cas, qu'elle formule d'elle-même. Oui, ah oui, oui, mais ça veut pas dire que ce soit une épitaphe qu'elle a formulée très tôt, je crois. C'est quelque chose qui l'amusait aussi. Mais donc, dans Derrière l'épaule, il y a un petit chapitre sur chacun des romans. Non, c'est pas le dernier parce qu'elle parle pas, par exemple, des Faux Fuyants qui ont donc paru après. Et elle parle des circonstances d'écriture de chaque œuvre. Et donc à un moment, elle dit « Ah, j'étais à un dîner un soir et cette femme a commencé à parler d'une croisière sur la musique et tout de suite, je me suis imaginé Rossini, Ravioli et une croisière qui allierait cuisine et littérature et ça donne La Femme Fardée. » Elle raconte comment elle a écrit La Femme Fardée. Donc dans ce roman, ouais, elle explique comment chaque roman est né. Et elle écrit donc cette épitaphe, elle écrit « Sagan Françoise fit son apparition en 1954 avec un mince roman « Bonjour Tristesse » qui fut un scandale mondial. Sa disparition après une vie et une œuvre également agréable et bâclée ne fut un scandale que pour elle-même. » Et tout Sagan dans cette formule. Oui, c'est ça. Et puis d'ailleurs, elle-même alimente sa propre légende d'une œuvre agréable et bâclée, qui à mon avis n'est pas du tout bâclée. C'est ces œuvres très très très lisses, très très faciles à lire. Par exemple, certains romans de George Sand sont aussi très très faciles. On a l'impression, mais qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Mais c'est très travaillé. Alors on va réécouter encore une fois, ce sera pas la dernière, hein, mais puisque vous avez évoqué l'archive de Sagan qui a ouvert cette émission et laquelle, lisez-vous, vous n'aviez pas tout compris, c'est normal, et Sagan s'en explique elle-même dans cet extrait de 1989, c'était sur France Culture déjà. J'aime bien les livres rapides, j'aime aussi les livres où il y a des digressions interminables, ça dépend qui écrit. J'aime bien la vie, j'aime bien les choses qui vont vite. Peut-être pour ça que je parle trop vite. Ça fait 50 ans qu'on ne comprend pas, c'est comme... C'est pour ça que je me suis mis à écrire d'ailleurs, pour être comprise, pour communiquer. En fait, on trouve dans l'œuvre de Sagan et dans ses interventions disséminées des courtes phrases comme celle-ci où elle parle de son rapport à l'écriture. Exactement. De manière très intime. Exactement, et dans tous les ouvrages qui ont été republiés sur tous ces entretiens, il y a des petites phrases, des petits passages sur ce qu'elle pense, qu'est la littérature et ce qu'elle n'est pas. Donc, en réunissant ça, on peut arriver à une certaine vision de la littérature. Il y a l'image qu'on se fait de Françoise Sagan, donc la vitesse, les drogues, l'alcool, la célébrité quasi immédiate, l'amitié avec François Mitterrand, les démêlés avec le fisc. Il y a son travail, dans lesquels on trouve au moins trois œuvres biographiques, hein, Toxique, dont j'ai lu un extrait, Des bleus à l'âme, avec mon meilleur souvenir. Et si on laisse de côté un instant la femme et ce qu'elle dit d'elle dans ses textes, peut-on dire que son œuvre et son écriture s'inscrivent sous le signe de l'excès? Alors, je ne sais pas si elles s'inscrivent sous le signe de l'excès, mais certainement, il y a ces thèmes de la vitesse, on les retrouve dans un certain nombre de romans, l'alcool aussi. Mais je dirais que c'est plutôt certains moments, La Laisse, par exemple, il y a une scène de jeu, il y a le héros va sur un champ hippique et il parie. Et donc, il y a quelques pages très très belles sur le jeu et les sensations que ça produit. Donc quelque chose comme ça, ou dans la chamade commence avec l'héroïne qui sent le vent du printemps et qui décide de prendre sa voiture pour aller faire un petit tour en banlieue pour ressentir, parce que ça sent le printemps, dit-elle au début du roman, et elle appuie sur l'accélérateur pour sentir le vent dans ses cheveux. Bon, c'est des passages comme ça, mais je dirais pas qu'il y a un roman qui est particulièrement qui parle particulièrement de l'excès. Il y a toujours cette recherche d'une limite à dépasser quand même. On la retrouve souvent, une limite morale, une limite législative. Je dirais pas que c'est une limite à dépasser. Je pense que c'est nous qui voilà, les lecteurs de Bonjour Tristesse disent, on dit, elle a passé les bornes. Mais c'est drôle de par son premier roman de commencer déjà. On pourrait dire là, elle a passé la limite, mais c'était son premier roman, donc il y a pas de là à ce moment-là. Oui, cette jeune fille qui écrit ce roman, qui est trop jeune, son héroïne est trop jeune, elle fait trop de bruit, elle gagne trop d'argent, elle a trop de gloire. Oui, c'est certainement excessif et c'est ça qui a marqué sa légende pour la suite. Mais le roman a des... Moi, je trouve que, en réfléchissant à votre émission, une figure de style qui rend aussi compte de Sagan, c'est la litote. C'est ne pas trop en dire. Et dans Toxique, il y a souvent des formules, c'est assez insupportable. Il faut pas verser dans l'excès quand même. Ce serait de mauvais goût. une vertu qui est très importante, c'est la courtoisie. Restons courtois. Et la courtoisie, d'ailleurs, permet de se sortir de certaines situations difficiles. C'est pas juste un vernis. Donc il y a aussi cet aspect de François Sagan, qui est cet aspect bourgeois, finalement. On trouve des remarques sur la manière de s'habiller, sur la mode. Elle était très proche de Peggy Roche qui l'habillait. Donc il fallait être élégant. On s'habille pas n'importe comment. On ne se tient pas n'importe comment. Dans un dîner aussi, on ne se tient pas n'importe comment. Donc il y a aussi ça chez Sagan. La modération, d'une certaine manière. Qu'on retrouve dans son écriture, une écriture très fluide et d'une certaine sobriété, au fond. Oui, c'est ça. Oui. Un style classique, finalement, oui. Elle écrit à 18 ans, Bonjour Tristesse. Elle l'envoie chez son éditeur, enfin, celui qui deviendra son éditeur, chez Julliard. Il est publié 2 semaines après. C'est un succès immédiat et mondial. Il est traduit dans plus d'une vingtaine de langues. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à expliquer un tel succès? Pourquoi ce texte, qui au fond se raconte assez facilement, rencontre un tel public immédiatement? Je crois que c'est souvent assez difficile à expliquer les succès que ça, mais c'est un livre immoral pour 1954. Alors qu'est-ce qu'il raconte? Dites-nous pour ceux qui l'ont pas lu. Alors c'est donc une jeune fille, Cécile, qui va passer l'été. Elle a 17 ans. Elle va passer l'été avec son père, qui s'appelle Roland ou Robert, je ne sais plus, ou Bertrand, un nom de ces années-là. Ils vont passer l'été dans une villa près de Saint-Tropez, mais assez isolée. Avec c'est Raymond, son père. Raymond, merci. Avec la petite amie de Raymond, qui est une rousse un peu écervelée, et ça semble être l'été parfait. Cécile va lézarder au soleil, elle va s'amuser, aller dans des bars le soir avec son père et Elsa, la petite amie. Mais le père, tout d'un coup, annonce qu'il a invité Anne. Anne, qui est une amie de sa femme défunte, que Cécile n'a presque pas connue. Et Anne, qui est une femme de l'âge de son père, 40 ans. 40 ans pour Sagan, surtout dans ses premiers romans, c'est l'âge du début de la vieillesse. Et Anne arrive, c'est une femme très belle, très sûre d'elle, qui a une carrière. Et au bout de quelques jours, Raymond annonce à Cécile qu'elle et Anne vont se marier. Et Anne, c'est l'ordre, c'est la morale. Et elle veut reprendre en main l'éducation de Cécile. Donc Cécile ne doit plus sortir, elle doit préparer son examen qu'elle a raté au mois de juin. Elle doit rester à la maison pour étudier. Et il n'est pas question qu'elle fréquente ce jeune homme qu'elle a rencontré sur la plage, un charmant Benet, Cyril, avec lequel elle commence à avoir des relations amoureuses et sexuelles. Bon, mais évidemment, Cécile n'en fait qu'à sa tête. Donc Cécile continue à voir Cyril, et comme le poids que fait peser Anne, qui lui plaît d'une certaine manière, parce que personne s'est jamais occupé d'elle comme ça, mais qui lui pèse de manière insupportable, elle décide de manipuler son père, Cyril, son petit ami, et Elsa, la petite amie de Raymond qui a été éjectée, de manière à rendre... À rendre jalouse Anne, et de manière à ce qu'elle parte. Et son plan réussit si bien que Anne s'enfuit et elle a un accident. Je pense que c'est un peu un spoiler, mais enfin... Non, il faut le dire, c'est important là, pour le coup, quand un roman paraît en 54, on peut quand même... D'accord, oui. 55 ans plus tard. Oui, peut-être 65 ans plus tard. Vos jeunes auditeurs qui n'ont pas encore lu ce roman. Enfin, la pauvre Anne a un accident de voiture juste après être partie en courant, et donc elle était très émue. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un suicide? On ne sait pas. Cécile dit, Anne nous avait fait ce cadeau de nous permettre d'imaginer que c'était peut-être un accident. Alors, moi, ce que tout le monde parle des choses qui sont immorales, ce père qui ne donne pas de conseils à sa fille, cette fille qui, à 17 ans, couche avec un garçon, et, ce que disait Sagan, comble du scandale, elle ne tombe pas enceinte. Donc, elle peut avoir des relations sexuelles, en avoir du plaisir, parce qu'en plus, elle a beaucoup de chance, Cécile, elle connaît le plaisir dès la première fois avec Cyril, elle le dit de cette manière, j'ai eu la chance la première fois. Bon, donc tout va pour le mieux dans ce monde de plaisir, de soleil estival. Voilà, le scandale. Donc c'est cette jeune fille qui a des relations sexuelles sans conséquence. Mais à mon avis, le scandale, ce sur quoi on a moins mis l'accent, c'est cette jeune fille qui manipule tout le monde autour d'elle et qui pousse une femme au désespoir. Et même au suicide, c'est ça qui est très fort, et là pour le coup qui est plus immoral que amoral. Les personnages sont amoraux, mais cette jeune fille qui monte une pièce de théâtre, elle devient la metteuse en scène des personnages autour d'elle pour pousser une femme hors de sa vie et vers la mort. C'est assez violent. Et c'est une question qui traverse l'œuvre de Sagan aussi, ce rapport à la mort et même au suicide. On la retrouve dans Des bleus à l'âme en 1972. Elle écrit ces lignes qui sont très fortes. Elle dit « Ce que l'on met en miettes en se tuant, ce n'est pas seulement le cœur des gens, leur tendresse pour vous, le sens de leur responsabilité vis-à-vis de vous, c'est aussi leur raison initiale de vivre et qui n'est rien, s'ils y pensent vraiment, sinon un souffle et ce battement au poignet et parfois ce regard ébloui devant un jardin, un être humain ou un projet, si bête soit-il, ça jette tout par terre. Les suicidés sont très courageux et très coupables, j'en ai trop aimé pour les juger définitivement. » Et d'ailleurs, comment pourrais-je juger qui que ce soit, mais certaines décences, comme celle d'un accident simulé et bien sûr solitaire, me paraissent quand même plus humaines, plus gentilles, le mot est faible et c'est pour ça qu'il me plaît, que cette façon de vous jeter son cadavre au visage en vous disant « tu vois, tu n'as rien pu empêcher ». Oui, alors voilà l'excès. C'est un thème qui effectivement est présent dans Les Bleus à l'âme. C'est un personnage, c'est pas un des héros qui se suicide, mais ça met les héros en miettes. Et dans d'autres romans aussi, c'est drôle qu'il y ait autant de suicides dans la quantité de romans qu'elle a écrite. Oui, donc bonjour tristesse, il y a une incertitude, est-ce que c'est un suicide ou un accident? Et après, les suicides sont de la violence telle que vous venez de la citer. Mais surtout, elle en parle très ouvertement, c'est que généralement, quand la question du suicide est abordée, les narrateurs ou les personnages ne se permettent rarement de prendre position. Alors là, elle le dit bien, il vaut mieux un accident déguisé qu'un suicide qui prend en otage ce qui reste, si c'est un certain courage d'affirmer ça. Oui. Oui, c'est ça, oui. Oui, elle dit qu'elle a connu beaucoup de suicidés, je ne sais pas combien, oui. Et effectivement, les personnages qui se suicident, dans Les Bleus à l'âme, c'est un pauvre monsieur qui se suicide par solitude et par manque d'amour. Mais c'est vrai que c'est une manière de faire un reproche à ceux qui ne se sont pas occupés de lui parce qu'ils avaient mieux à faire. Il y a un autre roman aussi qui se finit par un suicide, c'est Un peu de soleil dans l'eau froide. Et Sagan parle du personnage qui se suicide, c'est Nathalie, comme de son seul personnage absolu, donc forcément excessif. Nathalie, elle a des absolus moraux, elle ne fait pas de compromis, pas de concessions, et elle ne supporte pas à un moment d'entendre son amant l'estime un peu moins qu'au début. C'est pas qu'il l'estime, c'est qu'il l'aime un petit peu moins qu'au début de leur relation. Elle entend trois phrases qu'elle n'aurait pas dû entendre. Et elle file, et quand il la retrouve, c'est trop tard. Elle est agonisante. Et on sent cette forme de... On pourrait presque parler de pulsion de mort qui est très présente dans les travaux de François Sagan. Oui, cette pulsion de mort dont elle parle des bonjours tristesse, et puis qu'elle explique dans Toxique aussi. C'est le bord du précipice, Sagan le connaît. Et elle a envie de le franchir, c'est en ça que parler d'excès, sans doute, le côté grisant de l'excès, ce grand frisson, hein, justement, c'est ça. Paraît approprié. Oui, c'est ça, c'est ce qu'elle dit sur la vitesse, et oui, on flirte avec la mort. You really like speed, don't you? Yeah. What does it do for you? Well, no, it's funny. Moving blood. Qu'est-ce qui s'est passé? Okay. What happened? Il a raison. Merde, qu'est-ce qui s'est passé? I didn't see him. No, right. He put, what did he do? He put, I didn't hurt him. On a beau être fou d'amour, en vain, on l'est moins à 200 à l'heure. Le sang ne se coagule plus au niveau du cœur. Le sang gicle jusqu'à l'extrémité de vos mains, de vos pieds, de vos paupières, alors devenues les sentinelles fatales et inexorables de votre propre vie. C'est fou comme le corps, les nerfs, les sens vous tirent vers l'existence. Qui n'a pas cru sa vie inutile sans celle de l'autre ? Et qui, en même temps, n'a pas amarré son pied à un accélérateur à la fois trop sensible et trop poussif? Qui n'a pas senti son corps tout entier se mettre en garde, la main droite allant flatter le changement de vitesse, la main gauche refermée sur le volant et les jambes allongées, faussement décontractées, mais prêtes à la brutalité vers le débrayage et les freins? Qui n'a pas ressenti, tout en se livrant à ces tentatives toutes de survie, le silence prestigieux et fascinant d'une mort prochaine, ce mélange de refus et de provocation? N'a jamais aimé la vitesse, n'a jamais aimé la vie. Ou alors peut-être n'a jamais aimé personne. Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rey. Et on est à 200 à l'heure ce matin sur les traces sur la route en compagnie de Françoise Sagan pour le deuxième temps de cette série d'émissions sur l'excès. Aujourd'hui en compagnie d'Eve-Alice Roustan, on vient d'entendre Françoise Sagan au volant qui conduit comme une folle et ça s'est avéré, hein, l'archive en atteste, c'est pas simplement une idée reçue. Et puis un extrait de son texte avec mon meilleur souvenir qui date de 1984, lu par Daniel Mesguich. Et cette dernière phrase, hein, qui est en fait très longue, qui n'a pas cru sa vie inutile sans celle de l'autre, et qui en même temps n'a pas amarré son pied à un accélérateur à la fois trop sensible et trop poussif, et à la fin qui n'a jamais aimé la vitesse, n'a jamais aimé la vie, ou peut-être alors n'a jamais aimé personne. Il y a une équation qui est tout aussi forte que la pulsion de mort dont on parlait, qui est l'amour de la vitesse, l'amour de la vie, en fait l'amour tout court. Oui, la passion amoureuse comme excès de vitesse, oui. Ce sont des thèmes qu'on retrouve, le suicide, la passion amoureuse dans de nombreux romans de Sagan. Avec mon meilleur souvenir, je voudrais dire, c'est pas tout à fait autobiographique. Ce sont des petits chapitres sur différents thèmes, la vitesse, le jeu, et aussi Orson Welles et quelques autres. Jean-Paul Sartre, Billy Holiday. Voilà. Oui, donc la passion amoureuse comme excès de vitesse, c'est à connaître. Quoi. Si vous n'avez pas connu ça, vous n'avez pas vraiment vécu. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit dans cet extrait, en quelque sorte. Et c'est ce dont elle s'occupe dans ses romans, des personnages qui aiment et qui parfois en meurent. Mais cette comparaison, ce parallèle entre l'amour et la vitesse a quelque chose de surprenant, parce que ça veut dire que l'amour est aussi une affaire de limites que l'on pourrait presque contrôler. Quand on fait un excès de vitesse, quand on conduit, c'est nous qui appuyons sur l'accélérateur. Quand on est amoureux, on ne choisit pas du tout d'appuyer sur l'accélérateur. Alors, je crois qu'elle parle d'ivresse aussi. L'ivresse de la vitesse, vous ne contrôlez plus. Peut-être que c'est comme la drogue. Hein. Au bout d'un moment, on ne contrôle plus. Au début, on contrôle. Je vais prendre telle dose à telle heure. Et puis, au bout d'un moment, on est enchaîné. On est par la drogue. Et de même, la vitesse, je ne parle pas en connaissance de cause, mais j'imagine, et c'est ce qu'elle laisse entendre dans l'extrait, plus on va vite, plus on a envie d'aller vite et moins on a envie de s'arrêter. Parce que c'est grisant, on ne veut pas arrêter ce sentiment de griserie. On retrouve cette vitesse stylistiquement ? Alors, cette phrase, on pourrait dire, cette phrase qui est très longue, qui avec le rythme ternaire, d'une certaine manière, ça mime un peu la vitesse, mais on ne peut pas dire qu'elle fasse des phrases à la Proust en général. De toute façon, c'est pas à Proust qu'on pense en premier quand on pense à vitesse stylistique, ouais. Oui, c'est ça. Enfin, l'idée qu'on continue, on s'arrête pas, en tout cas. L'excès, pour le coup, l'excès de mots. La vitesse dans le style, je dois dire que oui, je m'étais pas posé la question. Je crois pas. Il y a une musicalité, la petite musique de Sagan, mais je crois pas que ce soit. On pourrait parler de la brièveté des romans. Elle écrit beaucoup de romans assez courts. Parce qu'il faut que ça s'arrête. La vitesse, ça ne peut pas durer trop longtemps. Ah, il y a ça aussi. Du coup, c'est un côté éphémère, limité, forcément limité dans le temps, très rapide, mais qui ne dure pas. Oui, comme les histoires d'amour dans les romans de Sagan, en général, ça ne dure pas. Une manière de flamber, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. On va écouter un autre extrait d'un texte qui est moins connu, qui s'appelle La Laisse. Est-ce que vous voulez nous le présenter avant qu'on écoute ? Alors, La Laisse, c'est un des derniers romans qu'elle a écrit. C'est l'histoire de deux personnages, Laurence et Vincent. Et Laurence est le texte et le roman est raconté par Vincent, donc c'est un roman à la première personne. Il est marié avec Laurence depuis à peu près 10 ans. C'est un musicien raté. Un de ses amis lui dit, mais à ce stade, il aurait pu être un grand pianiste, mais à ce stade, il pourrait même plus jouer du Tcherny. Seulement, juste avant que le roman commence, il a quand même écrit une musique de film qui a eu beaucoup de succès et qui lui a fait gagner beaucoup d'argent. Et sa femme, elle est très très riche. C'est une riche héritière qui le tient par son argent puisqu'elle le fait vivre. Seulement, le roman commence, ce n'est pas le bonheur évidemment entre Vincent et Laurence, puisque Vincent n'aime pas vraiment Laurence et Laurence est obsédée par l'idée de le garder. Voici donc la décision que prend Vincent dans ce texte de Françoise Sagan, lu par Daniel Mesguich. Petit à petit, le sentiment de sa misère, de son malheur, de l'énormité de ce malheur, que je découvrais avec un peu de peur, levait en moi une sorte de honte triste, une grande envie de tenter quelque chose pour cet être humain qui se tordait devant moi sur ce lit et dont je connaissais le grain de peau, le souffle, la manière de faire l'amour, la voix, le sommeil et rien d'autre. Je n'avais rien compris à Laurence. Jamais. Écoute, dis-je, ce n'est pas la peine que je reste. J'ai essayé pour toi, pour moi, pour nous, mais ça ne peut pas durer. Je ne peux plus supporter cette dépendance vis-à-vis de toi, cet exhibitionnisme de notre vie, ces journaux, cette saleté autour de nous. Je t'assure. Elle n'avait entendu qu'un seul mot, dépendance. Et elle sauta avec un cri bizarre sur sa table de nuit, attrapa son sac, en tira un chéquier, et à ma grande stupeur, se mit à griffonner dessus. « Tout ce que tu veux !» cria-t-elle. « Tout ce que tu veux, je te rends tout tout de suite. Tiens, regarde, un chèque, deux chèques, trois chèques, c'est notre chéquier commun. J'ai été le prendre cet après-midi. Regarde, je les signe tous. Tu prends tout ton argent demain, après-demain, le mien aussi avec, si tu veux. Reprends tout. Fais ce que tu veux. Dépense-le, claque-le, donne-le à tes amis, fais ce que tu veux, mais ne pars pas. Je t'en supplie, Vincent. Ne pars pas. » Je m'étais levé et la regardais avec répugnance. Cette femme en larmes qui signait avec un stylo et des mains déjà tachées d'encre un chéquier à moitié déchiré me faisait honte. Elle défaisait ce qu'elle avait mis si longtemps à arranger, ma capture, tel un geôlier vaincu. C'est vous qui nous avez suggéré ce texte, hein, Évalice Roustan. C'est un texte de Sagan que vous aimez particulièrement. Oui, j'aime beaucoup ce roman. D'abord, il est très drôle. Hein. Sagan, c'est très drôle et on le sait pas forcément parce que Bonjour Tristesse, c'est pas très drôle. Mais il y a beaucoup de scènes dans plusieurs romans qui sont à pleurer de rire. Je relisais La Femme fardée l'autre jour et j'étais toute seule dans le métro et j'ai éclaté de rire. Ça aurait fait plaisir, très plaisir à Françoise Sagan, ce genre de scène. Donc, le texte que vous avez lu, c'est pas vraiment drôle, mais il y a ces deux personnages qui sont un peu excessifs à leur manière. Laurence qui ne vit que par sa passion pour Vincent, et tout dans sa vie est organisé pour le garder, comme il l'explique. Donc, elle a construit cette laisse dont il est question dans le titre. Et Vincent, lui, il est indifférent. Et c'est rare un roman où il n'y a pas vraiment de relation amoureuse parce que donc la passion de Laurence n'est pas réciproque et Vincent lui il n'a pas de petite amie dont il serait amoureux. Il a des petites amies mais il n'y a pas de couple sympathique dans ce sens-là. Et donc Vincent lui aussi c'est un personnage un peu excessif parce que il traverse la vie avec gaieté, avec désinvolture, mais sans véritable attachement, peut-être à part pour son meilleur ami qui s'appelle Coriolan, qui est un personnage important du roman. Donc c'est un très beau roman, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle, parce qu'il est moins connu, les romans de la fin de la vie de Sagan sont moins respectés. J'ai lu des articles de plusieurs journalistes qui disaient « Oh, celui-là, c'est pas très intéressant ». Je suis pas d'accord. Je trouve que La Laisse et Les Faux-Fuyants, ce sont aussi de très beaux romans. Et donc, il y a, pour revenir à votre thème, l'excès, ces deux personnages qui sont plus excessifs, bizarrement, parce qu'ils ne sont pas aimants. Laurence est passionnée, mais elle ne veut pas le bonheur. Vincent le dit à un moment, c'était pas ça l'amour. L'amour, c'était le rire ensemble et on n'avait jamais ri ensemble. Et Vincent, lui, il reste par paresse, par habitude, par confort, mais il n'aime pas non plus sa femme. Le dernier stratagème qu'elle trouve pour le garder, c'est comme il est à présent célèbre parce qu'il a composé cette musique de film, elle convoque Paris Match ou l'équivalent pour montrer des photos d'elle, de Vincent et pour faire comprendre que c'est grâce à elle qu'il a pu devenir le musicien connu qu'il était. Et Vincent, à un dîner, découvre le journal en question, le magazine avec les photos. Il n'était évidemment pas du tout au courant. Et ça, c'est le début d'un dégoût si profond qui va le conduire à quitter Laurence. Et on trouve un des thèmes très importants dans l'œuvre et aussi dans la vie de Sagan, qui est l'argent, qui est ici vraiment ce de quoi la laisse est faite dans ce texte. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est encore un élément de la légende de Sagan, ce petit monde doré qui n'aurait pas de préoccupations financières, mais elle s'insurge contre ça. C'est pas vrai d'abord, même tous mes personnages ont des problèmes d'argent. Par exemple, elle dit elle-même dans la chamade, le vainqueur, c'est l'argent, parce que les deux amoureux ne peuvent pas rester ensemble faute d'argent. Donc l'argent fait partie de mes livres. Mais d'un autre côté, qui est-ce qui s'intéresse à l'argent? Ni Proust, ni Morand. Donc je continue à parler de ce qui m'intéresse, c'est-à-dire les rapports amoureux entre les hommes et les femmes. Bon, mais dans ce roman, la laisse, c'est effectivement un aspect essentiel. Vincent ne s'intéresse pas à gagner de l'argent et donc il vit avec Laurence. Il laisse passer sa vie. Je ne sais pas si flamber correspondrait ici, parce que c'est quand même pas très amusant cette vie qu'il a. Mais bon, il est tranquille. Mais l'argent est une manière aussi de pouvoir quantifier numériquement l'excès. On sait combien on dépense avec l'argent. En amour, en vitesse, on ne sait pas forcément. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a ces chéquiers qui reviennent dans la laisse, ça nous fait un peu rire aujourd'hui, où je ne sais pas qui se sert encore de chèques. Et si on a un compte commun, on a un compte commun, on ne peut pas quantifier l'argent. Mais il y a ces chèques que le beau-père de Vincent sort, que le banquier remet solennellement aux époux, et qui finalement ne suffisent pas à retenir l'époux qui veut s'en aller. Ça fait écho à la propre vie de Sagan, hein, qu'elle raconte dans ses entretiens « Je ne renie rien ». Elle écrit « On m'a retiré mon carnet de chèques car je passais mon temps à en donner à droite à gauche et je finissais par avoir des ennuis d'argent », s'écrit entre guillemets. « On m'a confié à quelqu'un qui paie tout pour moi, les poireaux, l'assurance des voitures et la maison. Quand je hurle, on m'envoie 1 000 francs d'argent de poche et là s'arrêtent mes rapports avec le quotidien ». Oui, j'aime pas trop cet aspect. Je trouve qu'il est pas très très flatteur à l'égard de Sagan, qui effectivement n'aimait pas les soucis de la vie quotidienne. Mais c'est pas un problème. Il faut plutôt du courage pour assumer d'avoir envie de se défaire des soucis du quotidien quand on peut. Oui, mais elle le faisait de s'en décharger et elle a une manière de présenter les choses comme si. Oui, comme si tout le monde pouvait le faire. Et bon, elle était quand même assez privilégiée de pouvoir se décharger de ses soucis. Pas tout à fait de s'en décharger, parce que quand même, la pauvre, ça a fini par la rattraper, ses ennuis avec le fisc. Mais en tout cas, elle parle d'elle en même temps. Là. Oui. Elle parle pas du principe que c'est le cas de tout le monde. Oui. Vous trouvez qu'elle est déconnectée de la réalité? Mais je pense qu'elle était un peu déconnectée de la réalité, oui. Oui, elle a eu, elle avait du talent, il y avait beaucoup de gens qui l'aimaient et qui voulaient s'occuper d'elle. Donc, tant mieux pour nous qui avons tous ces romans magnifiques qui sont le fruit de cette tranquillité dont elle a joui par moments parce que d'autres personnes s'occupaient d'elle. Et comment vous avez-vous découvert l'œuvre de Sagan? Parce que c'est par l'œuvre que vous l'avez découverte, j'imagine. Oui, par Bonjour Tristesse. Je crois que j'ai lu Bonjour Tristesse à 18 ans et je n'ai pas aimé. J'ai trouvé ça prétentieux. Peut-être que je ne me reconnaissais pas du tout dans cette jeune fille détachée. Parce que Cécile, elle non plus, elle n'a pas de sentiments profonds. Et donc ça, pour moi, à 18 ans, c'était pas concevable de coucher avec un garçon juste comme ça pour voir. Et donc j'ai laissé Sagan de côté. Et puis un jour, une amie m'a dit « Non, mais c'est quand même Sagan. » Et c'était quelqu'un que j'estime beaucoup. Donc je me suis dit quand même ça doit valoir quelque chose. Et à ce moment-là, je me suis replongée dans l'œuvre grâce au bouquin de Robert Laffont. Et là, j'ai découvert un grand auteur avec qui j'avais beaucoup d'affinités intellectuelles. Intellectuelles? Oui. Quels sont les traits intellectuels que l'on trouve dans l'œuvre de Sagan? C'est l'analyse des sentiments, une analyse très très fine. Et c'est là elle rejoint les grands classicistes français. Proust, Stendhal, Madame de Lafayette, c'est une analyste du cœur humain extraordinaire. Et qui connaît aussi, par moments, un vrai bonheur, c'est elle qui le dit. Le vrai bonheur d'être bien dans sa peau, de marcher dans la rue, de se promener au soleil, je sais pas, de monter sur un trottoir, traverser un parc, de parler à quelqu'un qu'on connaît pas. Je sais pas, c'est des bonheurs physiques, c'est une espèce de liberté que l'on sait compter au jour le jour. Et justement, le fait qu'elle est provisoire, là, lui donne un piment, je sais pas, quelque chose Vous êtes au fond le romancier de l'instant d'une certaine façon. Là. Tous ces petits instants, on monte sur un trottoir, on descend. On... Je vous dis pas que ce soit directement un sujet de roman. Je pense que la vie se passe comme ça par instant, et que justement l'effort du romancier consiste à donner une suite logique ou une suite sensible, enfin de relier tous ces instants différents dans un système qu'il invente ou qu'il essaye de se trouver pour justifier sa vie. C'est la morale. La morale, c'est de vouloir relier ces instants dans une direction quelconque. Françoise Sagan, comme écrivain de l'instant, vous y croyez, vous souscrivez à ça, Valérie Roustan? Mais il y a beaucoup de personnages qui souscrivent à ça, qui parlent du bonheur de l'instant, ces moments de bonheur dont on ne sait pas d'où ils viennent et qui sont d'ailleurs souvent le fruit de la solitude. Les grands bonheurs des personnages, ce sont des bonheurs solitaires. C'est l'odeur de l'herbe dont elle parle dans Toxique, c'est un morceau de musique, les concerts de la femme fardée, c'est un repas inattendu à la terrasse, une terrasse ensoleillée. Elle a beaucoup de talent pour décrire ces moments. Si je vais faire un pont avec votre thème de l'excès, il y a une pièce de théâtre qui s'appelle L'excès contraire, qui est une pièce très très drôle, encore du Sagan comique. L'excès contraire, ça commence avec un mari qui rentre chez lui et qui trouve sa femme avec son amant. Et nous sommes au début du XXe siècle, avant la Première Guerre mondiale. Donc le mari provoque immédiatement en duel le jeune homme. Et le jeune homme ne sait pas du tout, il vient d'arriver dans la ville, il ne sait pas qui est cette femme, il ne sait pas qui est le mari. Et il apprend par son ami que le mari est la meilleure épée de la ville, donc, et qu'il tue systématiquement tous les jeunes hommes qui regardent. C'est pas une métaphore. Non, c'est pas du tout une métaphore. Et là, il explique qu'il aime la vie, et il y a des passages très beaux sur ce qu'il aime de la vie et pourquoi il ne veut pas mourir. Et donc, il va imaginer, pour éviter de se battre en duel, d'épouser la sœur de l'homme qu'il a trompé. Et il va y réussir avec un certain nombre de péripéties. Mais et plusieurs fois, il se fait traiter de lâche. Mais alors, tu es lâche, tu ne veux pas te défendre, tu ne veux pas défendre ta femme, tu ne veux pas défendre ton honneur, tu ne veux pas défendre ton nom. Mais non, moi, je préfère la vie. Je préfère la vie, l'idée que le soleil va se lever sans moi, les fleurs vont s'ouvrir, les oiseaux vont chanter. C'est insupportable, je préfère la vie, je ne veux pas me battre. C'est dans ce texte aussi qu'on trouve la description d'un personnage féminin qui épuise son époux en voulant coucher avec lui à longueur de journée et vient de se marier. Elle ne comprend pas pourquoi il ne peut pas coucher avec elle plus de 2 ou 3 fois par heure. Voilà, c'est ça. Ben, c'est l'excès contraire. C'est une femme qui est arrivée jusqu'à l'âge de 45 ans et qui s'épuise en chasse. Oui, surtout en chasse, à la poursuite d'animaux les plus énormes les uns que les autres. Et elle se marie et elle découvre les joies du lit avec son mari, donc le jeune homme qui a échappé au duel. Et du coup, elle verse dans l'excès inverse, elle épuise son mari. Et puis ensuite, l'ami du mari qui s'inquiète de sa santé lui fait comprendre qu'il y a d'autres hommes et qu'elle devrait d'ailleurs quitter sa maison à la campagne pour venir en ville, car il y a 500 000 personnes masculines, de sexe masculin, qui vivent à Vienne. Ça se passe à côté de Vienne et à Vienne. Et il la convainc comme ça de venir vivre en ville. C'est ça l'excès contraire, de zéro rapport amoureux à beaucoup de rapports amoureux. À la fin, elle va trouver un équilibre avec son mari. Mais enfin, on passe d'un excès à l'autre. Oui. Mais ça, c'est comique. C'est extrêmement comique. On pense presque à Phèdre quand on lit ça. C'est ce type de comique-là. Oui. Et c'est très drôle. Et en même temps, c'est très fin. Il y a toujours des analyses des personnages qui sont délicieuses. Et d'ailleurs, on trouve une référence à l'excès. On a donc Anaé et son mari. Donc Anaé qui lui dit, alors qu'est-ce qu'il a, mon souriceau, mon pauvre amour, à tomber de son lit comme d'un lit d'hôpital le soir, tout juste bon à 2 ou 3 échauffourées, point final. Je vous parle crûment, n'est-ce pas? Mais entre gens de sexe opposé, on peut se parler, non? On peut se le permettre, cornedouille. À qui dirait-on la vérité pendant la journée, si ce n'est à ceux auxquels on se montre toute nue pendant la nuit? Hein? Alors qu'est-ce qu'il a, mon pauvre poulain, mon damoiseau, mon souriceau brun? Oh, rien, il n'a rien, votre vieux souriceau. Il trotte un peu menu, peut-être en ce moment. Mais c'est assez fréquent chez les souris, enfin, chez les jeunes mariés. L'excès de bonheur, la satisfaction des sens, eh bien quoi? Qu'est-ce que l'excès de bonheur produit d'après vous? Eh bien, pour la force, ça peut couper les bras et les jambes chez les mâles, et curieusement, d'une manière inversement proportionnelle aux femelles. Et on a là l'excès de bonheur, c'est tout simplement ce qui empêche de consommer sexuellement l'amour pour quelqu'un. Oui, enfin ça l'empêche pas de consommer, mais le jeune homme, au bout de 3 fois par jour, ça lui suffit. Tandis que cette femme qui n'est plus toute jeune, elle commence à découvrir ça et elle a 20 ans à rattraper. C'est comme si ici s'opposait l'excès de bonheur à l'excès de la jouissance sexuelle en réalité, qu'il fallait quasiment opposer les deux. Je ne sais pas si j'en tirerais des conclusions philosophiques comme ça. Ah ben c'est ce qu'il dit dans le texte. Oui, parce qu'il ne peut pas dire aussi crûment les choses. Mais enfin, Hannae va comprendre ce dont il s'agit. Et c'est là qu'il a dit, ah oui, Vienne, c'est une bonne idée. Bah alors, vous voyez que le thème de l'excès, finalement, est une bonne porte d'entrée dans l'œuvre de Sagan, parce qu'on a parlé de la drogue, on a parlé de la vitesse, on a parlé de l'argent, on a parlé de l'écriture, on a parlé de l'amour, on a parlé de la sexualité. Il reste encore un thème à aborder, c'est elle-même qui l'évoque, ou vraiment un endroit où elle a été extrêmement excessive, c'est le jeu. Dans le jeu, ça va très vite. Dans une soirée, on peut jeter toute sa vie matérielle, j'entends, en l'air, quoi. On peut se trouver du jour au lendemain, avec 3 ou 4 ans de travaux à faire dans une petite chambre, quoi. Ça m'est arrivé une fois, ça a failli m'arriver une fois, où j'ai perdu une somme énorme à un casino de Londres. Mais je comprenais rien, c'était en Guinée. Alors, Guinée, moi, j'avais fait un calcul, comme quoi c'était le dixième de ce que je croyais. Puis quand j'ai compris, j'ai une sueur froide, et puis je me dis, autant qu'à faire, puisque je suis là, si je continue, j'ai calculé, ça faisait 4 ans à travailler, en confiant mon fils à ma mère, en étant plein mes impôts, enfin, des trucs abominables. Mais de toute manière, sur 4 ans ou 8 ans, c'est pareil, donc restons. Quand je suis restée, j'ai tout gagné. Mais en l'espace d'une heure, quand c'était parti en l'espace d'une heure. J'ai eu chaud quand même. On n'est jamais une légende. Une légende est faite de gros clichés. C'est la légende qui se conforme à vos traits les plus saillants. Elle fait de vous une espèce d'être bizarre monté sur pilotis. La réalité, c'est qu'au moment de Bonjour Tristesse, j'avais 18 ans, un âge où à cette époque, les jeunes filles n'étaient pas très libres, et il se trouve que je l'ai été grâce au succès de mon livre. Je suis la femme qui claque des centaines de millions, qui écrase les vieilles dames avec une Jaguar, qui éprouve un plaisir cynique à choquer et qui passe sa vie entière dans les boîtes de nuit. Mais non, cette femme-là, elle n'existe pas. Je n'ai jamais compris pourquoi on passe toujours sur les pages de mes livres qui démentent cette idée qu'on se fait de moi. Écoutez Schubert sur France Culture, les chemins de la philosophie. Schubert qui aimait particulièrement Françoise Sagan. Elle vous donne raison dans cette citation, Évalice Roustan. Elle dit bien, pourquoi est-ce qu'on a retenu de moi que certaines pages qui bâtissent une légende à laquelle je ne corresponds pas, et en même temps, force est de constater qu'elle l'alimente en permanence, cette légende. Oui, c'est plus drôle. Il y a aussi... C'est très connu, mais je raconterai quand même cet épisode qui est vrai. Elle avait loué une maison en Normandie, et puis elle devait la rendre au propriétaire, et elle a été jouée au casino de Deauville la veille, le soir, avant de devoir rendre la maison, et elle a gagné juste assez pour pouvoir acheter le manoir, ce qu'elle a fait le lendemain. Elle avait rendez-vous pour l'état des lieux à 9h du matin, et elle est venue avec un gros chèque, ou je sais pas si c'était un sac de billets à l'époque, et elle a, comme ça, elle a acheté son manoir. Mais alors pourquoi d'un côté raconter ça et de l'autre dire se plaindre de ne pas correspondre à la légende qu'on fait d'elle? Eh bien parce que l'œuvre de Sagan ne correspond pas tout à fait à l'image qu'elle a donnée d'elle-même. Voilà, tous ces thèmes que vous avez cités tout à l'heure, c'est présent dans son œuvre, mais ça fait quand même des romans classiques où c'est l'histoire c'est une histoire d'amour qui commence, qui se termine avec des personnes qui ont des soucis d'argent mais qui sont pas obsédées forcément par l'argent. C'est des histoires de la vie de tous les jours. Mais c'est peut-être la vie de tous les jours qui est excessive aussi. La vie de tous les jours qui est excessive, oui. Oui, oui. Pas forcément synonyme d'ennui, c'est ça qu'elle nous dit aussi. Oui. Et dans l'espace du roman, en tout cas, peut-être que la forme romanesque elle-même est la plus appropriée à explorer l'excès qu'on n'entrevoit pas dans la vie quotidienne, justement. C'est que la vie quotidienne transposée dans un roman peut faire saillir certains traits qui sont plus excessifs que d'autres. Oui, ben on en a parlé, le suicide, la passion amoureuse, tout ça, ce sont qui peuvent conduire à l'excès, qui sont excessifs ou qui peuvent y conduire. Oui, à propos du jeu, ça aussi c'est un thème, tous les thèmes que vous avez abordés, c'est présent dans l'œuvre, on peut pas dire c'est ça le centre, mais il y a des scènes de jeu. Par exemple, dans La femme fardée, il y a beaucoup de personnages, c'est le seul roman qui soit très, très épais, ça fait à peu près 500 pages, ça se passe sur une croisière. C'est donc une croisière musicale où on va faire le tour de l'Italie et à chaque escale, on va avoir une chanteuse et un pianiste qui jouent de la musique. Et donc, il faut être très riche. Pour le coup, c'est un roman qui se passe avec uniquement des personnages riches, puisqu'il faut être très riche pour faire cette croisière. Et il y a une scène de jeu où il y a un pseudo-commissaire-priseur qui, lui, a besoin de se réargenter. C'est pour ça qu'il est venu parmi les riches pour essayer de les gruger. Et il joue au poker avec d'autres hommes. Et il y a l'empereur du sucre, qui est un riche industriel, qui, lui, joue avec l'argent pour vérifier qu'on peut jouer, entre guillemets, avec l'argent. Mais il est incapable de jouer, cet homme-là, c'est cauchemardesque. Il y a le gigolo qui joue pour gagner parce qu'il a besoin de gagner de l'argent pour sa vie. Il y a le producteur de cinéma qui joue pour se rassurer. Et le quatrième, c'est le directeur d'un grand journal de gauche qui joue pour dominer les autres. Et là on a le jeu métaphore de la vie et de chaque rapport du rapport que chaque personnage entretient avec la vie. Et en quelques lignes, Sagan a défini un personnage et son trait de caractère essentiel. Donc oui, l'excès et le thème du jeu permettent aussi d'entrer dans le monde romanesque. Pourtant, il y a peu d'activités qui ressemblent aussi peu au jeu que l'écriture romanesque, justement. C'est loin d'être un jeu, on ne mise pas, c'est pas du hasard, c'est un travail harassant et de longue haleine. Oui, mais là encore, c'est ambigu, puisque vous avez cité Sagan en disant « mon œuvre bâclée », peut-être bâclée ouais. Parce qu'il fallait aller au casino, c'était l'heure. Et peut-être que, oui, peut-être que le joueur accro au jeu, il y a du travail là-dedans. Quand on a passé 12 heures à une table de baccarat, est-ce qu'on s'amuse encore ? Il faut dans les deux cas une certaine endurance en tout cas. Oui. Et un dernier mot peut-être Sagan sur ses titres. Elle a quand même le sens du titre si on les dit, parce qu'ils ne sont pas tous connus. On connaît bien Bonjour Tristesse sans doute. Les merveilleux nuages, La chamade. Il y a vraiment une identité du titre Sagan. Hein. La garde du cœur, Des bleus à l'âme, Un profil perdu, Le lit défait, Le chien couchant, La femme fardée, Un orage immobile. Toujours un pronom, un nom et un adjectif ensuite. Mais ce sont souvent des titres issus de poèmes. Bonjour Tristesse, c'est un poème d'Éluard. Il y a Dans un mois, dans un an, donc c'est Bérénice de Racine. Le lit défait, c'est aussi un poème d'Éluard. La femme fardée, c'est un tableau. Mais donc c'est souvent des titres qu'elle a tirés de ses lectures. Elle le dit elle-même, oui, le titre, ça me vient comme ça, et c'est souvent un extrait de Les merveilleux nuages aussi, c'est un poème de Baudelaire. On va se quitter avec une musique qu'elle aimait beaucoup, parce qu'on l'a pas dit, mais elle aimait beaucoup la musique. Alors, la musique classique, comme en littérature, hein, elle a une formation extrêmement classique et des goûts très classiques. Oui. Ce que vous pointez dans son œuvre, d'ailleurs, hein, puisque vous soutenez par ailleurs que certaines composantes de son œuvre sont elles-mêmes aussi très classiques, au sens presque moraliste du terme, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, oui, avec un début, un milieu, une fin, on raconte des événements, on parle des personnages, on analyse ce qui se passe dans leur tête et dans leur cœur. Oui, c'est tout à fait, c'est classique. Un coup de cœur qu'elle a eu, c'était Billie Holiday. Elle a assisté à un concert de Billie Holiday et vous allez l'entendre, c'était en 1984 dans l'émission Carnet de notes sur France Musique, raconter ce qui, chez Billie Holiday, lui plaisait tant. Et puis on va écouter ensuite la chanson de Billie Holiday. Merci beaucoup Évalice Roustan d'être venue. Merci à vous. Vous en parlez ce matin. Votre livre, lui, s'appelle Françoise Sagan, La générosité du regard. Et on le trouve aux éditions Classique Garnier. Pour lire l'œuvre de Françoise Sagan, vous pouvez aller dans la collection bouquins hein, chez Robert Laffont, où on trouve la quasi-totalité, je crois, de ses œuvres. Et puis vient de paraître aussi, vous l'avez peut-être lu, le dernier texte de Françoise Sagan, publié par son fils. Oui, Les quatre coins du cœur. Les quatre coins du cœur. Oui, mais c'est aussi bien que l'émission se termine maintenant. Eh bien, tout est dit, voici donc Billie Holiday, enfin, Françoise Sagan et Billie Holiday. J'ai commencé à écouter ces disques, j'avais, je sais pas, 13-14 ans, tout ça. Il y a quelque chose dans la voix qui me brisait le cœur, comme à plein de gens, je crois. Une espèce de voix rauque un peu cassée, puis une manière de prononcer les mots très, très triste et très sensuelle à la fois. Enfin, et comme j'ai eu l'occasion de la voir, j'étais à New York pratiquement pour la voir. On a été la voir au fin fond d'un endroit où elle chantait, puisqu'elle était interdite de chanter à New York pour des histoires de drogue. On a passé 15 nuits ensemble, on se retrouvait tous les soirs à 4 heures du matin, et elle chantait de 4 heures du matin à 8 heures ou midi, quelquefois, selon son... Oui, avec nous pour l'écouter. You go to my head and you linger like a haunting refrain. Then I find you spinning round in my brain like the bubbles in a glass of champagne. You go to my head like a sip of sparkling burgundy brew. Then I find the very mention of you like the kicker in a julep or two. The thrill of the thought that you might give a thought to my plea cast a spell over me. But I say to myself, get a hold of yourself. Can't you see it never can be? You go to my head with a smile that makes my temperature rise like a summer with a thousand Julys. You intoxicate my soul with your eyes. And I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy romance. You go to my head. You go to my head. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Il vous est arrivé quelque chose hier soir, Géraldine. Alors voilà, hier soir, on m'a raconté quelque chose que je ne voulais pas savoir. Ça n'était pas un secret qui m'a mise dans l'embarras, ça n'était pas non plus un crime dont je devenais tout à coup complice, non. On m'a raconté l'histoire de quelqu'un qui est tombé terriblement malade d'un coup comme ça. Et pendant que je voyais la personne me raconter cette histoire, je me disais déjà... Comment vais-je vivre en sachant cela, en sachant que ça peut m'arriver, que ça peut arriver? J'en ai beaucoup voulu à la personne qui m'a raconté ça, de m'avoir raconté ça. Mais là, ce n'était pas la première fois que je vivais ça, ce n'était pas la première fois que je regrettais le confort douillet de l'ignorance. Choisir la vie, choisir un boulot, choisir une carrière, choisir une famille, choisir une putain de télé à la con, choisir des machines à laver, des bagnoles, des platines laser, des ouvre-boîtes électroniques... Choisir de pourrir à l'hospice et de finir en se pissant dessus dans la misère en réalisant qu'on fait honte aux enfants niqués de la tête qu'on a pondus pour qu'ils prennent leur lait. Choisir son avenir, choisir la vie. Pourquoi je ferais une chose pareille? La première fois que j'ai ressenti ça, c'est après avoir regardé le film de Danny Boyle, Trainspotting, sur un groupe de jeunes défoncés à l'héroïne à Édimbourg dans les années 90. Regardé beaucoup trop jeune, j'y ai découvert des choses qu'il faut sûrement savoir à un moment de sa vie pour s'en prémunir ou agir en connaissance de cause. Ce film m'a hanté pendant des années, encore maintenant d'ailleurs. J'ai regretté à chaque moment où j'y repensais de l'avoir regardé. J'ai regretté ces doux moments qui avaient précédé mon choix de visionnage et qui n'étaient pas encore peuplés par des visions angoissantes. Ces regrets d'un paradis perdu d'où la connaissance l'ignorance toute crue m'avait fait chuter. Avez-vous déjà vécu cela? Le regret de l'ignorance. C'est un sentiment dont on parle peu, car en ce moment, l'air du temps est plutôt au savoir, envers et contre tout, à la vérité, à la lumière. Site encyclopédique, complotisme qui prétend démanteler des réseaux cachés, dossiers médicaux à disposition, transparence de nos vies, lanceurs d'alerte, le monde a le droit de savoir et de tout connaître. Peut-on donc plaider pour un droit à l'ignorance? La vie ne m'apprend rien. J'aimerais tellement m'accrocher, prendre un chemin. Prendre un chemin. Mais je ne peux pas, je ne sais pas. Et je reste planté là. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Et je ne peux pas, je ne sais pas. Et je reste planté là. A-t-on le droit de ne rien vouloir apprendre, de ne pas savoir, de vouloir rester planté là? Alors bien sûr, l'ignorance n'est pas d'un bloc uniforme et monolithique. Il n'y a pas d'un côté l'ignorance et de l'autre le savoir. Ça n'est pas tout ou rien. Il y a des échelles, des domaines de connaissances, des bases élémentaires, des choses à savoir pour cheminer dans la vie. Il y a une différence, par exemple, entre savoir lire et ne pas connaître Trainspotting, bien sûr. Entre savoir que l'on ne sait pas et ne pas savoir que l'on ne sait pas. Mais comment faire pour ne pas tout savoir? J'ai déjà entendu des personnes se plaindre de la brièveté de la vie. Celle-ci serait trop courte pour tout voir, tout lire, tout savoir. Eh bien, je me demande l'inverse. La vie ne serait-elle pas trop longue pour pouvoir se contenter de peu, de seulement quelques livres, quelques films, quelques recettes de cuisine? Mais alors, comment faire? En effet, la question est épineuse, car déjà, comment faire face à tout ce qu'on a sous les yeux pour ne pas être curieux, pour ne pas être tenté d'apprendre plus? Et ensuite, comment faire pour revendiquer cette satisfaction de l'ignorance sans être relégué du côté de l'obscurantisme? Ce que j'ai vu, c'est que le gouvernement de mon pays et les gouvernements autour du monde avaient empêché le public d'avoir accès aux faits simples, de savoir que nous sommes surveillés, qu'on soit suspecté ou pas suspecté de crime. Et dans une démocratie, c'est le peuple qui doit décider si cette politique doit exister ou pas. Edward Snowden, les lanceurs d'alerte, tout ce qui contribue à faire la lumière sur le monde, tout cela est nécessaire. Mais je dois le dire, je crois que ça ne m'intéresse pas, que ça m'ennuie, voire que ça m'angoisse. En 2003, le magazine littéraire avait fait un dossier sur l'angoisse, justement, définissant celle-ci comme la manifestation de l'ignorance. Plus on saurait, mieux on serait. Mais rien de sûr dans cet adage, car la connaissance ne règle pas tous les problèmes et en ouvre souvent bien d'autres. Toute la question est alors de savoir quand s'arrêter. À quel moment puis-je décider que j'en sais assez et qu'en savoir plus ne m'apportera rien? En fait, il y a plus difficile que reconnaître ou assumer son absence de curiosité ou le confort de l'ignorance. Il y a ce terrible choix à faire de ne pas connaître ce que l'on ne connaît déjà pas. Car comment savoir, sans le savoir, que ce savoir ne m'apportera rien? Eh bien, il faut avoir du courage pour prendre une telle décision en aucune connaissance de cause. Merci Géraldine, vous avez un conseil à nous donner? Pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, il y a un ouvrage de Jean-Pierre Martin qui vient de paraître aux éditions Autrement et qui s'appelle La curiosité, une raison de vivre. Merci beaucoup, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Isis Jourda en compagnie de Manon de la Selle, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine à la prise de son. Aujourd'hui, c'était Adèle Caglar à la lecture des textes Daniel Mesguich. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur l'excès. Demain, on parlera du peintre Francis Bacon. On se demandera si c'est un peintre de la démesure en compagnie du spécialiste et historien de l'art Yves Perret. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Sans modération aucune, vous en écoutez autant que vous voulez, à la fois et avec qui vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, où l'équipe des Chemins de la Philosophie vous attend, anime un compte qui recueillera vos commentaires et sur lesquels on met en ligne tous les jours l'émission du matin même. À demain, 10h, nous on sera là. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.